chanson de la mer. Et maintenant pour d'autres qui viendront à leur tour s'allonger sur le sable, écoutant les cigales et leurs promesses d'amour. Il n'y aura plus l'amour l'été et les oiseaux pour nous bercer. Moi je retourne où les avions vont se poser. Il n'y aura plus l'amour l'été et les oiseaux pour nous bercer. Moi je retourne où les avions vont se poser. Les sirènes des bateaux ne conduiront plus mes rêves vers ces pays nouveaux qui meublent mes sommeils, où le bruit des grands vents me font entendre leurs plaintes. Il n'y aura plus l'amour. Thank you.